2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8 16. 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8 16.